franceinter.fr. Aujourd'hui, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire de la victoire du non au référendum sur le traité de constitution européenne. Le 29 mai 2005, les Français lancent un avertissement sans précédent aux institutions de Bruxelles et aux partis politiques. Nous ne voulons pas de cette Europe-là. C'est une rupture majeure. Au printemps 2004, les pronostics sont pourtant très favorables au oui. Les deux grandes formations politiques, l'UMP et le PS, sont majoritairement pour. Ce texte, tout en compromis et lourdeurs institutionnelles, devait passer comme une lettre à la poste. Du moins, c'est ce que tous imaginaient, politiques, observateurs, journalistes, instituts de sondage, en gros, la pensée dominante. Mais les Français se sont emparés de ce débat qui a permis de poser des questions fondamentales sur l'économie, la démocratie, les institutions. Cette agora a duré un an de l'annonce du référendum jusqu'au jour du vote. Séquence politique mémorable durant laquelle se sont surtout exprimées les craintes d'une France plongée déjà dans la crise économique et sociale. Ce nom, les institutions européennes l'accepteront un temps pour l'oublier très vite avec des traités de remplacement contre la volonté des peuples. Ce déni de démocratie marquera les institutions européennes au fer rouge. C'est à cette Europe-là, technocratique et libérale, voire ultra-libérale et pas assez démocratique, que les Français ont dit non en mai 2005. Et c'est à cette Europe, au sein de laquelle ils ne trouvent pas leur compte, que les Anglais vont peut-être dire non le 23 juin prochain et carrément en sortir. Comportement qu'on résume par cette formule désormais familière, le Brexit. Destin contrarié d'un continent qui voulait s'unir mais qui ne trouve pas le trait d'union. Pour en parler aujourd'hui avec nous, après le récit, Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Alexandra Vergel. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Bruxelles, 10 juillet 2003. Après 16 mois de travaux acharnés, la Convention sur l'avenir de l'Europe s'est réunie pour rendre public ses travaux. Les 15 pays membres de l'Union européenne ont confié à cette institution provisoire la mission de rédiger un projet constitutionnel pour l'Europe, trouver un mode d'emploi pour la faire fonctionner, une union bientôt composée de 25 membres, dont 27 avec l'intégration prévue de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007. Le président de cette convention, c'est Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président français a l'idée européenne chevillée au corps. En 1966, déjà, il souhaitait la création d'un Sénat européen. Les premières élections européennes au suffrage universel en 1979, c'est lui qui les instaure. 24 ans plus tard, il monte à la tribune. Il revient sur le long et sinueux chemin parcouru pour établir ce traité de constitution pour l'Europe. Les discussions ont été âpres, tendues. Giscard insiste sur le caractère démocratique de l'élaboration du texte, dit-il, et encourage les gouvernements à ne pas réduire à néant ses efforts. Et il conclut. The last person I wish to thank. Et la dernière personne que je voudrais my tortoise. Okay. Remercier, c'est ma tortue. She had followed. Elle a or led our trip when we were in the middle of the trip. Elle nous a accompagnés quand nous étions en plein milieu du gué. She guided us. Elle nous a guidés. As she did for the first Chinese emperor. Comme ce fut le cas pour d'anciens empereurs chinois également. We reached the river's banks. Et elle nous a permis de franchir la rivière. And I expect, as many of you probably believe, that since the beginning, she knew. Nous sommes tous convaincus que cette tortue savait très bien où elle voulait aller et arriver. So, au nom de la convention, donc, I will not give her. Je lui donne son repas favori. Voir et entendre cet homme, Valéry Giscard d'Estaing, qui incarne l'élite politique française, il était président de la République, le voir achever son discours par un hommage à sa tortue dragon, ne manque pas de faire sourire. Cette scène témoigne aussi d'une forme de soulagement après des mois de tractations incessantes. Un an plus tard, en juin 2004, le traité établissant une constitution pour l'Europe est approuvé par l'ensemble des chefs de gouvernement de l'Union européenne. À nouveau, les discussions sont longues et houleuses, entre les fédéralistes et les souverainistes, entre les petits et les grands pays, en particulier sur le système de vote. Et une fois encore, le compromis l'emporte, minimaliste comme tous les compromis au regard, en tout cas de l'ambition placée dans ce texte. Alors, quelles sont les grandes lignes? Eh bien, le texte reprend l'essentiel des traités précédents. La volonté première est de synthétiser, simplifier, moderniser. Mais l'ultime innovation, c'est surtout la nature même du texte constitutionnel qui rend l'ensemble de ces principes irréversibles. Vient alors le temps de l'adoption par les citoyens de la communauté européenne. À un moment est évoqué un référendum unique pour l'ensemble des pays, mais les particularités constitutionnelles propres à chaque membre empêchent cette solution. Libre alors aux États de choisir la voie référendaire ou parlementaire. La plupart optent pour la seconde formule qui ressemble plus à leur pratique politique de régime parlementaire, justement. En France, le président de la République, Jacques Chirac, choisit lui le référendum. Il ouvre ainsi une séquence historique de la vie politique de son pays et de l'Europe. Les Français le suivront-ils ? 14 juillet 2004, jour de fête nationale. Après les célébrations et le discours présidentiel, vient le temps de l'interview. Une pratique qui a duré très longtemps, l'interview du 14 juillet. La presse vient prendre le pouls du roi une fois par an. Longtemps, ce rendez-vous médiatico-politique a fait sourire nos confrères étrangers. En tout cas, c'est le moment choisi par Jacques Chirac pour annoncer la grande échéance à venir. Les Français sont directement concernés et seront donc directement consultés. Et donc, il y aura un référendum qui aura lieu, en toute hypothèse, l'année prochaine, dans la deuxième partie de l'année. J'espère que les Français comprendront qu'on leur pose une question essentielle pour leur proche avenir et surtout pour celui de leurs enfants. Est-ce que c'est pas le plus beau legs qu'on peut donner à nos enfants? Est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'on essaye de se prononcer sur le sujet qui nous est posé et non pas sur tel ou tel problème immédiat? Le choix du référendum est un pari osé, lié aux défauts majeurs d'ailleurs de ce type de scrutin. Les électeurs répondent-ils à la question ou en profitent-ils pour sanctionner le pouvoir en place? Et puis la dernière fois que les Français ont été soumis à un référendum sur l'Europe, c'était en 1992 avec le traité de Maastricht, et l'affaire avait failli mal tourner pour son prédécesseur à l'Élysée. En cette année 2004, deux ans après le choc du 21 avril, Jacques Chirac a plusieurs raisons de choisir la voie référendaire, dont la plus importante est symbolique. La France, représentée par Valéry Giscard d'Estaing, a présidé la rédaction du texte et elle se doit de donner l'exemple. Si cette constitution doit être un pas en avant pour l'Europe, autant demander sa ratification par le peuple. Ouvrir cette séquence, c'est aussi obliger l'opposition à prendre parti. Et puis le oui est donné gagnant dans les sondages. Alors, le choix du référendum paraît s'imposer dans l'esprit de Jacques Chirac. Dès l'été 2004, les clivages se dessinent. Du côté du oui, la ligne est claire. Oui, c'est oui. Alors ses partisans, on les trouve à droite et au centre. Ils mettent en avant l'avancée démocratique du traité à leurs yeux, son aspect politique et les libertés fondamentales à réaffirmer. Ils insistent aussi sur la création d'un poste de président de la commission élu pour 2 ans et demi. Ce nouveau rôle permet enfin de répondre à la fameuse raillerie d'Henry Kissinger en son temps qui disait « Au fait, pour l'Europe, on fait quel numéro ?» En face, le camp du non est coupé en deux. Il y a le non de droite, souverainiste et national, de Jean-Marie Le Pen à Nicolas Dupont-Aignan, en passant par Philippe de Villiers, pour qui le traité étend les compétences de l'Europe et réduit donc la souveraineté des États. Immigration, attachement au milieu national, délocalisation, structure, cette partie du non. Et puis il y a le non de la gauche dite radicale. Ses partisans s'attaquent à l'orientation économique libérale de l'Europe, qui est ici rappelée, gravée dans le marbre de la Constitution. Un marché unique où la concurrence est libre et non faussée. Les opposants critiquent cet objectif qui porte la compétitivité en étendard. Ils déplorent également l'absence d'harmonisation des minima sociaux, le démantèlement des services publics. Bref, où est l'Europe sociale? Mais c'est vers le Parti Socialiste de François Hollande, premier parti d'opposition qui vient de rafler 20 régions sur 22 à la droite au printemps, que les regards se tournent, parce que c'est là que la situation est la plus délicate. Dès l'annonce de ce référendum, les dissensions se font sentir. Et c'est Laurent Fabius, numéro 2 du PS, qui sort du bois. En l'état, évidemment, je ne peux pas approuver ce traité, et ma pente naturelle, celle de Laurent Fabius, qui sera discutée au sein du Parti Socialiste avec beaucoup d'autres, mais ma pente naturelle est donc de voter contre. À Après avoir longuement tergiversé, Laurent Fabius indique donc sa voix, cette pente naturelle du nom, petite formule alambiquée dont il a le secret, qui traduit en fait son désaccord sur une partie du texte. Il estime que les modifications sont impératives concernant les orientations économiques et sociales du traité, sur la question de l'emploi notamment. Ce positionnement de l'ancien Premier ministre fait l'effet d'une bombe. Lui qui a toujours défendu la construction européenne. Les commentateurs y voient aussi une manière de se placer pour lui dans la perspective de la présidentielle de 2007. Pour l'instant, la stratégie de Jacques Chirac fonctionne. Son référendum est une grenade lancée dans le camp socialiste dont la majorité doit faire campagne commune avec le gouvernement auquel il s'oppose. Pas simple. Ce sont surtout les courants les plus à gauche du parti, représentés par Henri Emmanuelli, Arnaud Montebourg ou Jean-Luc Mélenchon, qui dès le début se positionnent contre l'adoption du traité. Et comme toujours, François Hollande imagine un consensus, une synthèse au sein de la famille socialiste. Pour apaiser les tensions, le premier secrétaire donne rendez-vous en décembre pour un référendum interne. En attendant que les socialistes règlent leurs affaires, un mouvement citoyen en faveur du non se construit petit à petit. Dès octobre 2004, se constitue le collectif national pour un non de la gauche. Cette organisation fait suite à l'appel de 200 textes lancés par la Fondation Copernic et signés par 200 personnalités de gauche, des élus locaux, des responsables associatifs et syndicaux, des intellectuels, des artistes. La Constitution européenne devient un sujet à la mode. Parallèlement, attaque le nouveau mouvement altermondialiste, organise le Forum social européen. Il mobilise son réseau et organise différentes réunions, débats à travers la France. Le traité, pavé de plus de 400 pages en langue juridique, plutôt austère et indigeste, est décortiqué, analysé, expliqué. En plus des réunions publiques et de la distribution de tracts, un nouveau terrain d'action voit le jour pendant cet automne 2004, Internet. Avec l'expansion du haut débit, le web se démocratise et gagne la plupart des foyers français. Il devient un outil politique dans la campagne du non. Alors le débat citoyen s'installe. Les politiques n'ont pas encore pris la mesure d'Internet. Ils sont assez peu finalement à comprendre que le débat échappe aux médias traditionnels plus largement tournés vers le oui. Si ce mouvement de fond n'en est qu'aux prémices, il a tout de même un effet d'entraînement sur le débat interne au Parti socialiste. Les positions se durcissent, les militants se mobilisent. Mais le 1er décembre, le résultat du référendum est sans appel. Monsieur Hollande ? Oui, c'est moi. Détendu, forcément détendu, François Hollande. Il espérait une victoire, elle s'est transformée en un triomphe. Alors ce matin, le nouvel homme fort du PS remercie d'abord les militants et s'adresse ensuite directement au chef de l'État. Je demande donc au président de la République d'organiser le référendum dans le pays, en le déconnectant de tout enjeu de politique intérieure, en lui laissant son seul caractère, l'Europe, en le protégeant de toute tentation d'instrumentalisation qui serait fatale à la consultation elle-même et à ceux qui en seraient à l'initiative. La nuit dernière, les premiers résultats connus, les partisans du oui se retrouvent rue de Solferino dans la joie et l'allégresse. C'est une victoire pour l'Europe, c'est une victoire pour le Parti Socialiste, c'est une victoire aussi pour notre pays. Les partisans du non, eux, ont du mal à masquer leur déception. Une grosse déception, je pense que... Jean-Luc Mélenchon. Ça va être dur à faire passer. Hein. Cette victoire consolide François Hollande et sa ligne pour l'adoption du traité au sein du Parti Socialiste. La mobilisation des militants est très forte. Le vote socialiste suit la tendance des sondages, finalement. À ce moment-là, il est à 69% le oui. Et au début de l'année 2005, un élément va venir enrayer cette belle mécanique. Les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif. Oui, j'aime. Okay. Est-ce que tu aimes dans les westerns quand les Indiens transforment la jeune blanche en une sublime squaw? Oui, j'aime. Bon, alors nous irons vivre libres dans un pays sauvage. L'amour et le courage, mon ami, n'aie pas peur. Je saurai te défendre et d'un bon coup de botte sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Seul comme un chien. Oh oui. l'amour et le courage, mon ami n'est pas peur. Je saurai te défendre et d'un bon coup de botte, sonner les serpents à se mettre. Sonner les serpents à se mettre. Sonner les serpents à se mettre. Le 20 janvier, Henri Emmanuelli publie une tribune dans le journal Libération où il s'en prend ouvertement à une directive européenne, la directive Bolkestein, adoptée quelques semaines auparavant par le Parlement européen. Elle prévoit qu'un prestataire de service n'est pas à se soumettre aux règlements et aux droits en vigueur dans le pays où il exerce. Il n'en faut pas plus aux partisans du non pour y dénoncer les dérives ultralibérales de l'Europe d'aujourd'hui. Inclinaison qui sera confirmée et renforcée par la Constitution en cas de victoire du oui. Quelques jours plus tard, Jean-Luc Mélenchon, ancien ministre de Lionel Jospin et sénateur de l'Essonne, annonce qu'il fera campagne pour le non malgré le résultat interne au Parti Socialiste. Henri Emmanuelli lui emboîte le pas. Il n'aura pas fallu 2 mois avant que la brèche ne se crée. Petit à petit, à droite comme à gauche, la directive Bolkestein cristallise les discussions. Les tenants du non dénoncent le dumping social. C'est à ce moment-là qu'émerge la figure du plombier polonais que nous avons tous en mémoire. Cet exemple choisi pour illustrer la crainte d'une Europe libéralisée et sans contrôle. Philippe de Villiers, qui s'impose depuis plusieurs mois comme l'un des principaux promoteurs du non à droite, reprend l'argument dans la plupart de ses interventions. À partir du moment où la directive Bolkestein permet à un plombier polonais de venir travailler chez nous avec le salaire polonais, la protection sociale polonaise, le droit du travail, les règles d'hygiène, je pense aussi à la protection des consommateurs. Que reste-t-il de notre édifice social ? Rien. Donc vous défendez la préservation des services publics, l'Europe sociale ? Non seulement je la défends, mais je constate qu'elle est détruite par la Constitution. Un exemple, l'article 122 dans la troisième partie de la Constitution communautarise les principes et le fonctionnement des services publics. Ça veut dire que tout ce qui concerne les services publics remonte à Bruxelles et la Commission enfin a mis la main dessus. Alors ça, les chefs du oui ne le disent pas. Je renvoie les Français quand ils vont recevoir le texte de la Constitution à l'article 122 qui prépare, hélas, une tempête pour les services publics. En face, le camp du oui se consolide. L'UDF puis les Verts le rejoignent. L'UMP aussi, même si quelques personnalités font campagne pour le non. Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi Charles Pasqua, comme dit en de Maastricht d'ailleurs. La machine institutionnelle, elle, se poursuit sans heurts. Les députés et les sénateurs se réunissent le 28 février en congrès à Versailles et adoptent massivement la révision de la Constitution française pour que soit validée l'adoption de la Constitution européenne. 730 voix contre 66, large majorité. Entre-temps, l'Espagne est le premier pays à ratifier le traité. Le oui l'emporte à 76%. José Luis Zapatero s'enthousiasme, dit merci à l'Europe et oublie au passage de mentionner la faible participation, 42% seulement. En France, le non continue de grimper dans les sondages alors que la date du vote n'est même pas encore fixée. Le 4 mars, Jacques Chirac passe à l'offensive. Il avance le vote pour lancer officiellement la campagne et ainsi endiguer la montée du non. Il consulte les partis politiques et annonce la date du référendum, ce sera le 29 mai. Cette annonce amplifie le débat autour du traité qui gagne maintenant les mouvements sociaux. Début mars, 1 million de manifestants défilent contre le chômage et pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Les slogans pour le non s'invitent. Bolkestein est rapidement rebaptisé Frankenstein. Le plombier polonais devient un gimmick. Du côté du non-souverainiste, le Front National et le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers relancent le débat sur l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne. Alors même que la campagne n'a pas officiellement commencé, le oui a déjà pris du retard et le 18 mars, le coup près tombe. Premier sondage qui annonce un non au référendum sur l'Europe, un résultat qui claque comme un coup de tonnerre alors que la campagne ne fait commencer. D'après ce sondage de l'Institut CSA réalisé pour Le Parisien, 51% des Français diraient non à la nouvelle constitution de l'Europe. Bien sûr, ce n'est qu'un sondage, bien sûr, 53% des sondés ne se prononcent pas, mais quand même, ça fait sensation, surtout à gauche, car c'est là que la progression du non serait la plus importante. Pour la première fois, les opposants à l'adoption sont en tête des sondages. Incroyable renversement. Au gouvernement comme au Parti Socialiste, le choc est brutal. Au moment où elle s'apprête à entrer dans la bataille, les deux grandes forces politiques du pays sont désavouées par les sondages. Depuis des mois déjà, le non fait son chemin. Ses partisans imposent leurs thématiques, Bolkestein, la Turquie. Certes, elle s'éloigne parfois de l'enjeu direct du référendum, mais elle structure la campagne. Et certaines initiatives illustrent grossièrement l'écart entre les tenants du oui et du non. Le 17 mars, les Français se réveillent et découvrent la une surprenante de Paris Match. En couverture, on y voit Nicolas Sarkozy, François Hollande, autrement dit le président de l'UMP, et le premier secrétaire du Parti Socialiste. Même costume sombre, même chemise bleue, ensemble et côte à côte, sourire de circonstance pour dire oui au traité. Les collectifs du non détournent la photo qui fait le tour du web. Le coup de com' est raté. À droite comme à gauche, l'entrée dans la campagne n'est pas facile. Jean-Pierre Raffarin, le Premier ministre, et François Hollande pour le PS posent les jalons du oui. Et on tente tout. Même la langue de Shakespeare pour Jean-Pierre Raffarin. Le oui a besoin du débat pour gagner. Win, the yes, needs a no to win. Again the no. Vous voulez sanctionner, vous voulez exprimer votre colère, vous voulez dire votre mécontentement et vous avez raison. Mais ne prenez pas l'Europe comme victime expiatoire du seul coupable qui est le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. L'Europe mérite mieux. L'Europe n'y est pour rien. L'Europe est notre avenir. Toutes les forces en faveur du traité sont envoyées dans la bataille, mais ça ne prend pas, la machine est enrayée. Pour le oui à droite comme à gauche, on insiste sur la construction européenne. On culpabilise quelquefois. On insiste pour l'Europe, son histoire, ses valeurs, sa nécessité. Et puis on brandit la menace de la marginalisation de la France, car d'autres États ont déjà ratifié le traité. Cette idée de marginalisation est d'ailleurs reprise par Jacques Chirac au cours de sa première intervention télévisée dans la campagne, le 14 avril 2005. Pour l'occasion, le dispositif choisi est original. Le président de la République fait face à un panel représentatif de 83 jeunes, arbitrés par plusieurs journalistes. Il reprend l'argument de la mise à l'écart et emploie une expression qui fera date. Seule notre puissance politique, la puissance de la France, aujourd'hui, au sein de l'Europe, parce que la France est un pays qui compte en Europe, nous permet de défendre nos intérêts. Si demain, nous avons voté non, quelle va être la puissance de la parole française? Nous compterons peu. C'est ça la vérité. Mais monsieur le Président, quand vous dites on comptera peu, est-ce que ça, on comptera pas finalement comme aujourd'hui, pas moins? Pourquoi on compterait moins qu'aujourd'hui? Tout simplement parce que vous aurez en réalité 24 pays qui voteront oui d'une façon ou d'une autre, c'est la plus grande probabilité, et puis le mouton noir qui aura tout bloqué. Le président de la République évoque les grands principes, les jeunes mettent en avant leurs inquiétudes et leurs problèmes personnels. Dialogue de sourds, Jacques Chirac leur dira même « Je ne vous comprends pas ». Alors, pour éviter le naufrage, on sort du placard les grandes figures politiques, les sages de notre histoire, des Européens historiques. À gauche, Jacques Delors et Lionel Jospin. À droite, c'est Simone Veil qui prend position. Ces interventions portent leurs fruits. Le 28 avril, le oui repasse en tête. Mais l'effet ne dure qu'une semaine. Le dernier mois de campagne est intense, les débats s'enveniment, les politiques habituelles sont brouillées, à droite comme à gauche, on assiste à une restructuration du paysage politique. Et des couples improbables voient le jour. Daniel Cohn-Bendit et François Bayrou font meeting ensemble pour le oui. Laurent Fabius et José Bové trinquent au cours d'une réunion pour le non. De son côté, le non de gauche a le vent en poupe. Les meetings réunissent de plus en plus de personnes. La constitution commentée par le journal L'Humanité bat des records de ventes. S'affiche alors une nouvelle union de la gauche autour de trois courants en particulier. Le Parti communiste de Marie-Georges Buffet, la LCR de Olivier Besancenot et la gauche dite radicale, échappée pour un temps du Parti socialiste avec Jean-Luc Mélenchon. Extrait de l'un de leurs derniers meetings avant le vote. Nous sommes en train de nous ressaisir de l'Europe. Marie-Georges Buffet. De la reprendre en main. De la reprendre à nos mains pour la mettre à la couleur de nos aspirations et de nos exigences. C'est ça que nous portons et c'est pour ça que nous allons gagner. On a prouvé, Olivier Besancenot, que le non actuel en capacité de remporter est un non social, internationaliste, tout le contraire d'un non raciste, chauvin et anti-turc. Et le vote, justement, il arrive le 29 mai au soir sur France 2. Les résultats sont annoncés par David Pujadas. Des positions très différentes. Il est 21h, 59 minutes et 55 secondes. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important, le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable et on aperçoit sur ces images la joie des partisans du non, du côté du quartier général d'Henri Emmanueli, point de ralliement des partisans du non socialiste. Et puis du côté aussi du mouvement pour la France, Pierre Giacometti, on le disait, c'est un écart important, c'est une victoire pour le non incontestable. Et on peut le dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique survenu le 21 avril 2002. Il y a dans ces résultats trois éléments majeurs à retenir. Le premier, c'est le vote politique. La majorité des électeurs de gauche ont voté non ce soir. Et parmi eux, 58% des sympathisants socialistes. C'est le résultat inverse du référendum interne du Parti socialiste à la fin de l'année 2004. Et puis, il y a aussi un phénomène sociologique. Le non est populaire. Il enregistre près de 60% chez les salariés, près de 80% chez les ouvriers dans l'enquête réalisée à la sortie des bureaux de vote aujourd'hui. Et puis, enfin, phénomène générationnel. Les moins de 25 ans ont voté à 60% contre la Constitution européenne. C'est aussi un phénomène à retenir ce soir. Pendant près d'un an, la vie citoyenne s'est animée en France. Sursaut de l'ère politique avant la prise du pouvoir par les marchés financiers, les politiques de rigueur. Un chiffre l'atteste, ce référendum a réuni près de 70% de participation. Les deux grands perdants s'appellent Jacques Chirac, dont la fin de mandat est marquée par cet échec, et François Hollande, dont le parti se retrouve divisé. Cette longue campagne laissera des traces dans le paysage politique national. Et l'Europe dans tout ça ? Deux jours après, les Français et les Hollandais, eux aussi, disent non. Ce double désaveu enterre définitivement le projet de constitution. Mais l'Europe s'offre le traité de Lisbonne, que vote ensuite le Parlement français comme une victoire posthume du oui et loin des urnes. We'll be right back. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le non au référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Et notre invité, c'est Laurent Geoffrin, le directeur du journal Libération, notre partenaire. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, à l'époque, vous étiez directeur, toujours directeur, mais du Nouvel Obs. C'est ma vie comme directeur. Hein, c'est votre vie en tant que directeur. Vous dirigez le Nouvel Obs à cette époque. Le Nouvel Obs s'était prononcé pour le oui. Oui, moi je suis pour le oui, j'étais pour le oui. Je joue carte sur table. Bon. J'ai pas tellement le choix d'ailleurs, parce que... À l'époque, c'était on a fait campagne, quoi, c'est vrai. Alors, en 2005, la mobilisation politique de la société, hein, des Françaises et des Français, pas forcément des leaders politiques, pas forcément des journalistes, a été exceptionnelle. C'était une immense agora, à une époque où déjà le rejet de la politique était déjà fort, hein, de la part des Français. Là, au contraire, ils sont politiques, ce sont des êtres politiques. Qu'est-ce qui se passe? À mon avis, il se passe que c'est la première fois que se cristallise l'inquiétude, sinon le rejet des effets négatifs de la mondialisation. C'est ça le fond de l'affaire. Les Français, parce que le non, il n'est pas un vote homogène, on va y revenir. Oui. Mais ce qui réunit tous les gens du non, c'est la méfiance, le rejet, l'inquiétude, l'indignation à l'égard des duretés du capitalisme mondial. C'est ça qui s'est... Et ce rejet qui a toujours existé en France, hein, mais qui était plutôt l'apanage de la gauche, ou de la gauche de la gauche, s'est transmis... À l'ensemble du corps politique, finalement, en tout cas à la moitié, plus de la moitié, et à toutes les classes sociales. C'est ça, c'est ce que nous dit l'expression le plombier polonais. Ça nous dit oui, ça. C'est un symbole, dérégulation, de la liberté excessive du marché qui a des effets inégalitaires, qui remet en question les protections, les acquis sociaux, et donc les gens ont refusé ça. Ça, c'est vrai. Et c'est une chose qu'à l'époque on n'avait pas mesuré, nous, les partisans de oui. Est-ce que ça veut dire que pour une fois, on a voté lors d'un référendum, on a répondu à la vraie question, et que ça n'a pas été seulement, parce que c'était aussi un peu ça, de la part de la gauche, un vote contre le pouvoir en place? Ah non, pas du tout. Non. Enfin, c'était peut-être un peu pour le contre le pouvoir en place. Mm-hmm. Les gens, ils sont toujours contre le pouvoir en place. Donc oui, on a bien répondu à la question pour une fois. Ah oui, bien sûr, on a bien vu, là, la campagne a été assez sérieuse, même s'il y a des choses fausses qui ont été dites de part et d'autre. Mais globalement, beaucoup de gens, énormément de gens, ont lu... sinon le texte, du moins des analyses, ont débattu. C'est la première fois qu'Internet joue ce rôle. Aussi, c'est très important. Le caractère massif et interactif d'Internet a fait que les gens ont commencé à discuter les articles, à s'échanger les arguments, à se convaincre les uns les autres, à se combattre les uns les autres. Et donc, il y a eu un bouillonnement démocratique, ça c'est indéniable. Là où c'est moins positif, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a perdu, finalement. Pourquoi? Les partisans du non, il y avait deux types de partisans du non. Il y avait des souverainistes qui sont contre l'Europe. Bon. Pour l'instant, ils ont perdu. L'Europe est toujours là. C'est loin. Ils vont peut-être gagner un jour. Ils progressent. Mais bon, ils ont perdu. Et les autres, qui étaient plutôt des gens de gauche, disaient, oui, on est d'accord pour l'Europe, le principe, tout ça, mais il faut une Europe sociale. Beaucoup plus sociale. Beaucoup plus à l'écoute des classes populaires. Ben, ils ont perdu aussi. L'Europe, elle n'est pas beaucoup plus sociale qu'avant. Non pas qu'elle soit ultra-libérale, on pourrait y revenir, mais en tout cas, l'évolution intérieure de l'Europe n'a pas eu lieu, en tout cas sous la pression du non. D'ailleurs, c'est le grand tort des dirigeants européens, ils n'ont pas écouté ce qui s'est passé. Mais peu importe. Après, il y a eu la crise. En 2007, 2008, il y a la crise économique. Là, l'Europe a réagi à la crise, elle a changé à cause de la crise. Mais le vote non n'a pas eu d'effet. Et donc, vous vous retrouvez avec... une division encore plus complexe du corps politique, et puis pas tellement de résultats. Ensuite, il y a eu un deuxième traité qui a été adopté. Ah, on va y revenir, oui, Lisbonne. Oui. Mais allez-y quand même. Mais c'est pour expliquer que tout le monde a perdu. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que l'Europe se porte plutôt mal, et les anti-européens n'ont pas obtenu satisfaction. Et ceux qui veulent une autre Europe n'ont pas non plus obtenu satisfaction, mais personne n'a obtenu satisfaction, finalement, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, le nom semble fédérer aussi, d'un point de vue sociologique, et si on se rapporte à ce que disait Giacometti tout à l'heure, semble fédérer comme ce qu'on peut appeler les forces de mouvement, c'est-à-dire la gauche, parce que c'est l'opposition, et puis les jeunes aussi, beaucoup de jeunes. Est-ce que le nom était porteur, comme ça, d'une dynamique en soi? Mais le nom a deux, enfin, il y a un problème central, c'est qu'il est totalement incompatible. Vous avez des gens qui veulent sortir de l'Europe, et vous en avez d'autres qui veulent rester dans l'Europe en la modifiant de l'intérieur. C'est pas du tout la même politique, ça n'a rien à voir. Si on veut sortir, d'ailleurs, quand on réfléchit 5 minutes, la seule position vraiment cohérente, si on n'aime vraiment pas l'Europe, bah, oui, il faut en sortir. Rester à l'intérieur en disant qu'on n'aime pas l'Europe, ça tient pas debout. Si on n'aime pas, ben, il n'y a qu'à sortir. Et donc, c'est le pot de fer et le pot de terre dans cette coalition. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs. Les anti-européens cohérents, c'est ceux qui, en Angleterre, par exemple, demandent le Brexit, ou en France, qui disent, ben, on sort de l'euro d'abord, et on sort de l'Europe, on ne veut plus de Schengen, on ne veut plus de toutes ces contraintes, etc. Et on ne veut plus de la liberté de circulation, ni des hommes, ni des marchandises. Ça, c'est cohérent. Dire non à quelque chose d'important en Europe tout en disant oui mais on est quand même européen, c'est pas cohérent. Oui, un pied dedans, un pied dehors, ça va pas. C'est pas cohérent. Et surtout que de l'intérieur, on peut modifier des choses quand même, contrairement à ce qu'on dit. Tout le monde dit l'Europe, je crois que vous avez dit ça d'ailleurs, l'Europe est ultra libérale. J'ai dit moi. Bon, ça a été dit dans le site. Ça a été dit en tout cas. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui disent l'Europe est ultra libérale, c'est complètement faux. Pourquoi c'est faux? Ben parce que vous regardez les sociétés européennes... Mais quand il y a des régulations partout, partout, tout est dérégulé. Il n'y a pas de dérégulation partout, c'est pas vrai du tout. Si, il y a quand même... Ben, y a quand même je ne vois pas que la sécurité sociale française ait été jetée à bas. Non. Ben oui, donc, ouais, ça fait déjà 35% du PNB, tout ça. Et la médecine est gratuite, c'est socialisé. Mais enfin, l'apologie de la concurrence... Les impôts en France sont à un niveau stratosphérique par rapport à la norme libéral, alors je ne parle pas d'ultra-libéral, ultra-libéraux, ils veulent une flat tax, même impôt pour tout le monde. En France, on a des impôts progressifs qui pèsent très lourdement sur les classes moyennes et moyennes supérieures. Oui, c'est pas du tout libéral, ça. En France, l'État joue un rôle très considérable. En Grande-Bretagne, la santé est entièrement publique. Elle est beaucoup plus socialisée qu'en France. Si vous regardez, une société ultra-libérale, c'est les États-Unis, ça d'accord. On peut dire ça. Ou d'autres pays. Mais s'agissant de l'Europe, c'est pas vrai. On a une société mixte. La puissance publique joue un rôle très important en Europe. Et les règles européennes qui sont adoptées, il y en a qui sont effectivement libérales, en général sur le plan économique et social. À la concurrence, l'ouverture à la concurrence, le ciel, notamment, le marché, tout ça. Ce que je réprouve pour une bonne partie. Mais par contre, il y a toutes sortes de dispositions écologiques, par exemple, ou des dispositions en matière de droits de l'homme, de protection des personnes, d'aide aux minorités, qui sont extrêmement contraignantes. Qui ont un caractère un peu fédéral, si on les accepte, et qui sont pas du tout... Alors là, pour le coup, c'est pas l'absence de règles, au contraire, ça implique, ça impose des règles. Donc l'emploi du mot ultra-libéral, c'est une confusion, quoi. C'est pas vrai. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ne sont pas du tout des pays ultra-libéraux, c'est pas vrai. Alors, quoi qu'il en soit, le coup de pied de l'âne, moi j'appelle comme ça, à la victoire du non, c'était la ratification du traité de Lisbonne. On va écouter une archive, c'est Nicolas Sarkozy qui parle, il est président de la République. À l'époque, il annonce le traité de Lisbonne. Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité simplifié, c'est la France qui a pris l'initiative de le proposer pour sortir l'Europe de la crise institutionnelle dans laquelle elle se trouvait plongée. Pendant la campagne présidentielle, je m'étais engagé à tout faire pour convaincre nos partenaires de tourner la page de la Constitution européenne qui ne pouvait plus entrer en vigueur alors que deux pays, la France et les Pays-Bas, l'avaient rejetée par référendum. Et qu'il n'était pas question de demander au peuple français et au peuple néerlandais de se déjuger. Dès lors que le projet de Constitution européenne se trouvait écarté, on ne pouvait en rester là. Il fallait débloquer un système de décision qui ne correspondait plus aux exigences d'une Europe à 27 et qui la paralysait. Et il fallait en même temps faire en sorte que soit respecté le choix des peuples qui avaient accepté de ratifier la Constitution comme de ceux qui l'avaient refusé. Bien, Nicolas Sarkozy argumente, c'est son rôle. Est-ce que le traité de Lisbonne est à vos yeux un déni de démocratie? Comme on l'a dit, ça a été dit. C'est un déni de démocratie directe. Oui, vraiment. Bien ça. Ouais. Mais on ne peut pas dire que le Parlement n'a aucune légitimité. Bien sûr. Enfin bon, démocratie directe. Tout le problème est là. Sauf que dans démocratie directe... Il y a deux légitimités, il y en a une qui est la démocratie directe, on vote directement, et puis il y a une autre légitimité qui est on vote par intermédiaire de nos représentants. Démocratie représentative. Ce qui est dans le cas dans toutes les démocraties. Si les députés et les sénateurs votent, est-ce qu'on peut dire que c'est antidémocratique? C'est un peu court comme raisonnement, non? Oui, mais on peut dire que c'est deux formes de démocratie, qu'il y en a une qui est plus satisfaisante que l'autre. On peut dire le référendum, c'est beaucoup mieux que la démocratie représentative, on peut dire ça. Mmh. Mais on peut pas dire que c'est pas démocratique, ça c'est pas vrai. Enfin, il y a quand même le sentiment que, imaginez les gens qui ont voté non, puisque vous avez voté oui, je peux le dire. Ceux qui ont voté non ont eu le sentiment d'être spoliés de leur vote, malgré tout. Parce que la démocratie directe, comme vous le dites, le référendum a été antérieur. C'est vrai, c'est mais pour que les partisans du non l'emportent vraiment, il faudrait qu'ils mettent au pouvoir un parti qui est partisan du non. Et il y a une difficulté, la politique grave, c'est que le seul parti qui est partisan franchement du non, c'est le Front National. Alors, je dis pas ça pour délégitimer les autres, mais je constate quels sont les partis qui veulent sortir de l'Europe. Ben, le Front de Gauche, non, pas vraiment, un peu, pas vraiment. Mmh. Parti communiste, non. Parti socialiste, évidemment, non. Et les Républicains non plus. Les Républicains non plus. Et donc vous avez Dupont-Aignan et Marine Le Pen qui veulent sortir de l'Europe. Donc c'est ça la difficulté. Cette histoire a complexifié la vie politique, parce que normalement on est sur un axe droite-gauche. Absolument. Qui existe toujours. Il y a des tas de problèmes sur lesquels la droite et la gauche s'opposent. Mais il y a un autre axe maintenant qui est tout aussi important, c'est l'axe élite. Classe populaire. Ouais. Il y a une fracture entre les gens d'en haut, entre guillemets, et les gens d'en bas. Et qui recoupe une fracture qui se superpose, qui est ceux qui sont pour l'ouverture des frontières, l'ouverture aux marchandises, à la concurrence, mais aussi à l'immigration, et ceux qui sont contre. Qui sont pour plutôt une fermeture. Qu'ils appellent la souveraineté. Ils appellent ça la souveraineté. C'est une façon présentable de présenter l'Europe. Oui, non, mais je ne veux pas le dire de manière polémique. Il y en a qui veulent rétablir des frontières nationales. C'est pas honteux. Il y en a partout, des frontières nationales. Mais ils veulent rétablir des frontières nationales et ils veulent que la vie politique française soit décidée uniquement par les Français. Puisque vous me parliez justement du Front National, je rebondis sur ce que vous disiez. Et est-ce que c'est pas de cette époque, finalement, que le Front National a récupéré des thématiques sociales qui normalement sont défendues par la gauche? Je me souviens du Front National qui hurlait contre la directive Bolkestein, par exemple, au nom de la justice sociale. Est-ce que c'est pas à partir de là que le Front National a commencé à récupérer cela? Ça joue un rôle, c'est sûr, oui, puisque l'Europe est apparue comme une construction élitiste et purement libérale, comme ce que vous disiez. Donc le Front National a compris que son électorat populaire, qui était déjà sensible aux questions d'immigration, était également sensible aux questions sociales. Et donc, alors que Jean-Marie Le Pen, lui, était plutôt libéral, hein, oui. Patronal, réganien, etc. Sa fille et les gens qui sont autour, comme Philippot, par exemple, ont dit, mais non, il faut qu'on ait une fibre sociale, parce que notre électorat, qui est déjà venu en partie vers nous pour des raisons, je dirais, de xénophobie ou de méfiance à l'égard de l'immigration, pour lui parler, pour le comprendre, pour aller au-devant de lui et pour le convaincre, il faut parler social. Pourquoi le nom de gauche, cette union née au moment de la campagne, n'a pas su capitaliser sa victoire? Alors, deux exemples. Laurent Fabius appelle à voter non, c'est le nom qui l'emporte, et Laurent Fabius, peu de temps après, deux ans après, même un an et demi après, perd la primaire socialiste. Quant à Jean-Luc Mélenchon, dont c'est l'avènement politique, hein, cette affaire de 2005, bah on voit ce que ça donne, c'est 10% à la présidentielle à peine. Pourquoi le nom politique n'a pas su se capitaliser? Probablement parce qu'il n'a pas su formuler un programme, une politique, un projet qui puisse convaincre les gens. Puisque il joue un rôle, hein. Mélenchon, il a fait 12% au dernier présidentiel. Il est toujours crédité de au moins 10% dans les sondages. Mais manifestement, 90% des Français ne croient pas à son projet, puisqu'il n'y en a que 10% qui votent pour lui. C'est parce que les gens comprennent bien que l'économie contemporaine supporterait probablement assez mal une politique économique qui consiste à dire on est déjà à 57% de dépenses publiques en France, du PNB, il faut aller au-delà. Les gens vont dire, aller au-delà, oui, mais ça fait déjà 57%, c'est quand même beaucoup. Hein. Et les prélèvements obligatoires sont à 50, 48, 49. Et le parti de Mélenchon dit, il faut aller plus loin. les gens, ils sont pas prêts à passer dans une économie entièrement collectivisée. En même temps, ils demandent plus. En même temps, Laurent Geoffrin, ils demandent plus. 90% des Français. Oui, mais en même temps, les gens demandent plus de prestations sociales et que l'État joue mieux son rôle d'amortisseur social. Quand on demande plus de prestations et moins d'impôts, il y a un problème. Oui. Le problème s'appelle le déficit. Il y a un problème arithmétique. Et là aussi, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, il y a des gens à gauche qui disent qu'il faut relancer l'économie. Je suis pour, évidemment. Il faut distribuer du pouvoir d'achat. Relance par la consommation. Par la consommation. Mais si ça consiste à creuser indéfiniment les déficits qui existent depuis 30 ans, on est en déficit depuis 30 ans, et avec une dette publique qui est très importante quand même. Et on voit bien que ça a une limite, cette affaire, et qu'il faut, à un moment, la réalité financière s'imposera d'une manière ou d'une autre. Et même si on sortait de l'Europe, je ne vois pas comment on pourrait éviter de réduire nos déficits, ou en tout cas de les contenir. Personne ne comprend comment ça pourrait se produire. On est déjà à 3... parce que là aussi, c'est un point important. Les gens ont dit, le traité qu'on a refusé, puis celui de Lisbonne, c'est des carcans. Ouais. Ça nous oblige à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire. C'est pas tout à fait vrai. Regardez la question du déficit. Donc 10 ans maintenant, après le traité... Les critères de convergence, le 3,5% on les respecte, du PIB. On les respecte jamais. Pas. On non. les a jamais respectés. Ah ben non, jamais. On n'a pas été exclus de l'Europe. Les Allemands nous ont pas mis dehors à coups de pied dans le derrière. Bon, il est fou la leçon. Et regardez, oui, d'accord. Regardez la politique de la Banque Centrale Européenne. On a dit, c'est horrible, la Banque Centrale Européenne va imposer une orthodoxie de fer. Alors, ça a été vrai à un moment sous Trichet. Sous Draghi, c'est complètement faux. La politique monétaire aujourd'hui en Europe, comme aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne, est une politique totalement expansionniste. D'ailleurs, on commence à trouver que c'est dangereux parce qu'on a créé tellement de liquidités que ça abonde les marchés financiers de manière inconsidérée et ça risque de provoquer une nouvelle crise de l'endettement. Donc on ne peut pas dire que la Banque Centrale Européenne soit restée dans l'orthodoxie monétaire. C'est pas vrai. Et donc le fait qu'on ait voté ou non ces traités, finalement, la crise a eu raison de tous ces problèmes. Alors, deux résonances importantes à cette affaire de 2005. La recomposition des paysages politiques français, on l'a dit, et puis peut-être des velléités de sortir de l'Europe. Et nous arrivons au cœur de l'actualité. Nous allons écouter une archive, une interview de François Hollande le 18 février dernier. Vous vous souvenez, c'était le Conseil européen entièrement axé sur les volontés, pas d'ailleurs supposées ou réelles, des Anglais de sortir de l'Europe, ce qu'on appelle le Brexit. Alors on le saura le 23 juin, le référendum c'est le 23 juin, au Royaume-Uni, et Nicolas Demorand sur France Inter interroge ce 18 février au soir le président Hollande sur le sujet du Brexit. La Grande-Bretagne, par la voix de David Cameron, qui nous dit « Aidez-moi à rester dans l'Union européenne ». Moi, je suis prêt à aider le Royaume-Uni à rester en Europe. Pourquoi ? Parce que géographiquement, parce que politiquement, parce que historiquement, la Grande-Bretagne est dans l'Union européenne et dans l'Europe. Bon, mais pas à n'importe quelle condition. Par exemple, sur quoi ça bloque en ce moment ? Le Royaume-Uni voudrait que les Européens qui viennent travailler à Londres ou en Angleterre n'aient pas les mêmes prestations sociales. Alors là-dessus, je comprends qu'un certain nombre de pays, la France peut être concernée d'ailleurs, parce qu'il y a des Français qui sont qui travaillent en Grande-Bretagne. Donc là, il faut que nous puissions dire qu'il y a des conditions. Et c'est là que ça bloque le plus, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'acceptent pas qu'il y ait ce traitement différencié. Vous restez confiant en dépit de ces points de blocage durs sur le fait qu'un accord, un deal, comme dit Cameron, soit possible ? Oui, mais je pense qu'il faut éviter la gesticulation, la dramatisation et la victoire qui serait saluée. Je veux permettre à David Cameron de pouvoir ressortir du Conseil en disant que les intérêts de la Grande-Bretagne ont été pris en compte, mais qu'ils n'ont pas été pris en compte au détriment de l'Europe. Parce que moi, je suis attaché à ce que l'Europe avance. Bon, le comportement des Royaumes-Unis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un pied dedans, un pied dehors. On est toujours ambivalent à l'égard des Britanniques, parce que c'est un ami de la France depuis un siècle maintenant, et il y a une longue histoire. Et puis on aime bien les Anglais, parce qu'on aime bien l'Angleterre, tout ça. Mais c'est vrai qu'ils demandent toujours un statut à part. D'abord, ils sont pas dans l'euro. Deuxièmement, leur prétention à vouloir régenter le fonctionnement de l'Union européenne alors qu'ils sont à moitié dehors est un peu extravagante, il faut bien le dire. En même temps, s'ils partent, précédent politique dangereux pour la construction européenne, pour l'ensemble du projet. En même temps, je pense qu'on s'y fera si jamais ils disent non. Je pense que ça leur posera plus de problèmes qu'à nous, d'abord. Par exemple, il y a une chose toute bête, les Écossais, si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, les Écossais, ils veulent y rentrer. Oui. Donc ils vont demander à se détacher du Royaume-Uni. Parce qu'ils veulent sortir surtout du Royaume-Uni. C'est ça, en fait. Ben oui. Donc pour éviter d'avoir trop de contraintes, ils vont perdre une partie de leur population, de leur territoire, avec qui ils ont des liens historiques ancestraux, et ça va leur coûter cher, cette histoire. Et d'un point de vue économique, ça porte, c'est porteur de danger, la Grande-Bretagne qui sortirait ? Pour eux, oui, je pense, parce que on sera plus enclin à mettre des droits de douane ou à arrêter leurs marchandises. Quoi. Les Anglais sont très libre-échangistes, historiquement. Ils vont être obligés de gérer une politique où le libre-échangisme sera mis à mal. Donc ça peut poser des problèmes. En même temps, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas dans l'Europe et qui se portent très bien. La Suisse se porte très bien. C'est pas un drame non plus. Hein. C'est pas... Alors, c'est peut-être différent de se bien porter quand on n'a jamais fait partie de l'Europe que de se bien porter quand on en sort. Symboliquement, politiquement, c'est mauvais. Bah oui. Économiquement, socialement, c'est un problème transitoire, je pense. Il faut comprendre. Je vais ajouter une chose sur le oui et le non. Oui. Le problème de l'Europe, c'est que l'argument principal en faveur de l'Union européenne est un argument que personne n'écoute. C'est-à-dire ? Parce que c'est toujours le même et il est historique et philosophique. Donc il est très loin des gens. Mais pourquoi ça a été fait à l'origine ? Ça a été fait après la guerre. On est en train de fêter l'anniversaire de la bataille de Verdun. Oui. Hein, il y a eu 300 000 morts en un an, pour rien, parce que les lignes n'ont pas bougé. On a une boucherie pratiquement inutile, quoi. Et l'ensemble de la guerre de 14 n'a pas été très utile, moins qu'on puisse dire, il y a eu des millions de morts. Pourquoi on a fait l'Union européenne ? C'est pour éviter ce genre de choses. Bien sûr. À l'échelle de l'histoire. Alors, comme à l'échelle de l'histoire, personne ne conçoit que si l'Union européenne se dissolvait maintenant, et qu'il y aurait le lendemain une guerre. Personne n'y croit, ça. Seulement, il se trouve que toute l'histoire du 19e siècle et du 20e siècle a été marquée par la montée du nationalisme, qu'aujourd'hui on appelle souvent le souverainisme, et ça a conduit à deux conflits mondiaux. Donc, quand on est un peu attaché à l'histoire, comme moi, on se dit, c'est un risque considérable qu'on va prendre. On va dissoudre cette construction qui est effectivement un peu artificielle et souvent frustrante, sans se rendre compte que pour les générations futures, pas pour nous, on sera mort depuis longtemps, mais pour nos enfants, nos petits-enfants ou ceux d'après, ce sera des nations différentes, bientôt hostiles, qui vont faire des budgets de défense, et puis il y aura des controverses commerciales, territoriales, je ne sais quoi, il y a toujours un prétexte. Et les gens disent, oui, mais les guerres, c'est fini en Europe. Mais les guerres, c'est pas fini en Europe. En Ukraine, c'est quoi ? Il y a eu beaucoup de morts, quand même. Et dans les Balkans ? Quand les Balkans se sont dissous, et que chacun a repris sa souveraineté, 200 000 morts. Ça s'est passé il y a 20 ans, ça, oui, c'est pas... Absolument. C'était hier. Donc les gens qui prennent la responsabilité historique de dire « Bon, c'est pas grave, on n'est pas content, les quotas laitiers, les machins, les trucs, allez, on sort. » Mais c'est une décision historique considérable. Bien, merci Laurent Geoffrin. L'an prochain, on célébrera les 60 ans du traité de Rome, hein, ce sera en 2017, on verra dans quel état. Merci Laurent Geoffrin, à bientôt. Merci à vous. Dans le cadre du partenariat Affaires Sensibles Libération. Merci, au revoir. C'est Affaires Sensibles, le référendum sur la Constitution européenne dans 2005, une émission que vous pourrez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'histoire du film Dernier Tango à Paris.